franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, une histoire sombre qui montre la face sombre des hommes dès lors qu'ils volent l'enfance. Celle, en l'occurrence, de ces jeunes filles et garçons qui ont pris la mer à bord du Carrick-Venn, appelé aussi l'école en bateau. Pendant près de 40 ans, 400 enfants sont partis avec cette association d'éducation alternative fondée en 1969 par un certain Leonid Kamenev. Ils sont partis à la découverte des mers et des terres inconnues. Pendant un an ou plus, ils se sont éloignés de la vie d'avant, celle de l'école, de la famille. Ils ont découvert un autre monde où l'âge n'est pas une barrière, sans distinction entre enfants et adultes. Un monde où ils sont devenus navigateurs, charpentiers, pêcheurs, bergers, journalistes. Pour beaucoup, l'école en bateau évoque des images, celles qu'on a pu voir à de nombreuses reprises à la télé ou dans les magazines de jeunesse. À chaque fois, ce sont les mêmes scènes, les mêmes sourires d'enfants, torse nu qui hissent la grand voile ou crapahutent en haut d'une montagne. À chaque fois, c'est la même voix omniprésente qu'on entend, celle de son fondateur, Leonid Kamenev, qui encadre les enfants, distille sa philosophie, prône la fin des hiérarchies. Mais en 2013, c'est dans la chronique judiciaire que nous retrouvons Leonid Kamenev. Après 3 semaines d'audience, il est condamné pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Ce procès, c'est le fruit d'une incroyable résistance, celle d'anciens élèves, autant de victimes qui ont dû attendre 19 ans après le dépôt d'une première plainte pour obtenir justice. Tout au long de cette émission, vous entendrez la voix de Kamenev, quand il était encore le respectable fondateur de l'école en bateau, mais aussi et surtout les paroles des victimes qui, devenues grandes, ont raconté la véritable histoire, le huis clos et les agressions sexuelles. Laurent Esneau a été l'une des victimes de Kamenev. Il en a tiré un film co-réalisé avec Réjeanne Varro, intitulé « L'école en bateau, l'enfance sabordée », où il revient avec d'autres victimes sur ses souvenirs d'écoliers sans tablier. Nous le retrouverons en seconde partie de l'émission, accompagné de l'avocat Éric Morin. Avec eux, nous reviendrons sur l'instruction, le procès et l'écho de cette affaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Emmanuel Fournier, programmation musicale Muriel Pérez, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Valentin Hazan. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Tout comme un conte de Noël, le magazine de ce soir pourrait commencer par « Il était une fois ». Il était une fois, en 1969, 5 enfants et un adulte qui, à bord d'un voilier, parcouraient tout au long de l'année la Méditerranée. Eh bien, cette aventure en forme de rêve est finalement devenue aujourd'hui quotidienne pour une trentaine d'enfants. Ils partent pour 1 an, 2 ans et même parfois plus afin de découvrir le monde et surtout afin de vivre une certaine école. C'est en tout cas une bien belle histoire. L'école en bateau, c'est d'abord l'histoire d'un rêve conté aux enfants et aux parents dans la presse et à la télé. Seuls ou avec des amis, sur les bancs de l'école ou dans leur chambre, beaucoup ont vu ces films et dévoré ces articles qui racontaient l'histoire de ces jeunes moussaillons à la tête blonde et la peau dorée, devenus le temps d'une année des aventuriers. Quel enfant n'a pas eu envie un jour de partir, de traverser les mers et les déserts, à la recherche de contrées oubliées, l'aventure avec un grand A. Oui, enfin, des pensées qu'on range souvent en rayon des rêves inachevés, ceux qu'on espère pouvoir réaliser à la majorité, à l'âge où on le devient grand, indépendant. Or, l'école en bateau, c'est le chemin idéal pour griller les étapes. Du moins, c'est ce que ces enfants s'imaginent en voyant les films de ces expéditions et en écoutant son fondateur, Leonid Kamenev, dans cet extrait, par exemple, où il explique le concept. C'est une forme d'éducation différente de l'éducation traditionnelle. Dans l'éducation traditionnelle, l'enfant est passif, soumis. Ce sont les adultes qui le programment, qui l'habillent, qui le nourrissent, qui pensent à lui. À l'école en bateau, on essaye d'effacer ses statuts et ses rôles préétablis entre les enfants et les adultes. L'essentiel de notre façon de faire à l'école en bateau repose sur l'idée assez simple que les enfants qui arrivent ici, ils peuvent mener leur vie comme s'ils étaient des adultes. Et les adultes qui sont là doivent s'efforcer d'oublier leur propre éducation, la propre façon dont ils ont été élevés eux-mêmes pour pouvoir avoir des relations avec ses enfants, avoir des rapports avec ses enfants qui ne soient pas des rapports hiérarchiques, traditionnels, de supérieur à inférieur, de maître à élève, mais des rapports normaux de personne à personne. Chaque année, ils sont en effet une trentaine d'enfants sélectionnés par l'association et Leonid Kamenev. Dans les interviews et les plaquettes de présentation de l'association, Kamenev utilise souvent le mot d'itinérance pour résumer le principe de cette expérience. Une itinérance en mer, mais aussi à terre, à pied ou en carriole, à organiser leur vie et celle du groupe, à devenir des hommes et des femmes miniatures, des apprentis, cuisiniers, menuisiers, pêcheurs, navigateurs. Si l'école est buissonnière de façon quotidienne, sans cahier et sans cartable, sans examen et cours à noter, les enfants travaillent sans relâche, jour après jour, à refaire le plancher, les peintures, l'étanchéité, à se faufiler dans les cales du bateau pour nettoyer, réparer. Et puis ils partent de temps en temps découvrir une île, un site archéologique ou un marché qui deviennent les décors de leurs aventures, celles qu'ils racontent dans le journal de l'association Le Petit Écolier. Dans ces pages, on lit des comptes rendus d'expéditions, de visites et de rencontres, et on voit de nombreuses photos d'enfants qui semblent heureux, oui, les yeux ébahis en haut d'une dune, dans un désert ou dans un marché exotique. L'école de la vie, quoi. Le journal ou les films produits par l'association constituent le roman officiel de ses aventures et permet à son fondateur de distiller sa philosophie. C'est le cas dans le premier film de l'association Poudre d'Escampette, diffusé en 1976 dans le magazine Thalassa. Autre paradoxe. Plus on a plongé, plus on est allé loin et en profondeur, donc. Et mieux ça se passe ensuite. C'est tout simplement qu'on n'a pas fui la difficulté scolaire. On a seulement fui le pied qui nous écrasait. Dans cette course à travers le monde, on a retrouvé ses jambes, puis ses mains pour faire, ses sens, sa place au sein d'un groupe, en fonction même de ce qu'on est en vrai, pour du vrai. Pas en fonction de ce que les autres voudraient qu'on soit ou croient qu'on est. C'est trop sérieux tout ça! Sur le bateau, on rêve, on rigole aussi. Le film se conclut sur une succession de scènes où les enfants sont nus en haut d'une montagne, sur le bateau et dans l'eau. Financé par l'association Poudre d'Escampette, il est réalisé par l'un des adultes encadrant. Enfant, il a été cet écolier sans tablier. Diplôme d'instituteur en poche, il est revenu à bord pour devenir le second de Leonid Kamenev. Si aujourd'hui ces images de nudité peuvent surprendre, elles sont récurrentes dans le magazine papier de l'association. Filles ou garçons, enfants et adultes, oui, ils sont nus, c'est comme ça. La question de la sexualité et des corps n'a jamais été un tabou pour le fondateur de l'association. Il en parle ouvertement dans son livre manifeste intitulé « Écolier sans tablier » pour lequel il est invité sur France Inter en 1979 dans l'émission de Claude Villers. Leonid Kamenev, on peut croire que, effectivement, c'est une vie rêvée pendant ces 1 an, 2 ans, 3 ans que des enfants passent avec vous. Mais en fait, ils apprennent beaucoup de choses. Et ils apprennent la vie en commun, mais ça veut dire aussi l'apprentissage de l'autre, l'apprentissage du corps de l'autre, les sensations de l'autre. Et comment ça se passe? Parce que, avec des enfants de 13, 14 ans, qui sont, comme on dit, à l'âge de la puberté, et est-ce que ces problèmes se passent entre les enfants ou avec les adultes ou entre les enfants et les adolescents? Vous en parlez dans votre livre. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une fermeture des enfants, de la plupart des enfants du moins, sur ce plan quand ils arrivent. On leur a appris depuis longtemps à refouler non seulement leur sexualité mais leur sensualité même. C'est plus une peau qu'ils ont, c'est un truc en carton. Et il est évident qu'à vivre comme on vit, on est même souvent tout nu sur le bateau quand il fait beau. C'est pas obligatoire, mais c'est tellement évident. Même dans le désert, quand le sable est tellement doux, ça n'a rien à voir avec le sable des plages, c'est du sable qui est comme de la farine. Tout ça appelle terriblement au sens, réveille les sens, chatouille la peau. Et le sexe. Alors, là interviennent des réactions très diverses. Il y a celui qui en est honteux, il y a celui qui en est content. Et il est certain que, à ce moment-là, si l'expérience se poursuit, peut se poursuivre normalement, il n'y a pas de réel problème. Mais derrière les mots de Leonid Kamenev, derrière les images produites par l'association, quelle était la réalité de ces expéditions? Pour nombre de ces enfants, il a fallu du temps pour mettre des mots sur la vie à bord du Karakven, pour comprendre les mensonges et les manipulations des esprits et des corps. Pour chacun, l'école en bateau débute par un stage d'une semaine, en France, à bord d'une péniche. Un séjour pour évaluer les compétences des enfants, mesurer l'appréhension de la vie en groupe sans les parents, jauger l'enthousiasme et les limites des candidats. Parmi ces étapes de la sélection, d'anciens élèves racontent des scènes de massage collectif entre enfants et adultes, nus, dans des saunas. À bord du bateau, ils découvrent l'envers du décor des messages publicitaires. En effet, la vie sans hiérarchie prônée et revendiquée est loin d'être une réalité. Si l'enfant est l'égal de l'adulte pour ce qui concerne les tâches ménagères, il est aussi un sujet, un objet de Leonid Kamenev. Durant le procès, d'anciens pensionnaires soulignent l'emprise manipulatrice des fondateurs de l'école en bateau. Il est décrit comme un gourou dictant la ligne à suivre, choisissant ses favoris et ses souffres-douleurs, alternant la tendresse et l'humiliation. La vie à bord du Karakven est un huis clos dont on s'échappe rarement, un piège en pleine mer, à des milliers de kilomètres de son ancien chez-soi. En quelques semaines, les enfants abandonnent leurs anciens codes, leurs anciens repères. Durant le séjour, les liens avec les parents sont limités au strict minimum. Une visite de quelques semaines, une fois par an, et l'envoi de lettres de temps en temps, où l'on ne dit plus « papa, maman », non, on utilise les prénoms. Peu à peu, les repères d'avant se fissurent, s'effacent, puis sont remplacés par d'autres, dont vous commencez à comprendre, j'imagine, les contours. Dans le documentaire « L'enfance abordée » de Laurent Esnault et Réjeanne Varro, une ancienne victime évoque son premier souvenir d'agression sexuelle à bord. Je rentre dans cette pièce et sur ma droite, il y a Michel Bach qui est assis sur ce que je pense être un banc, parce qu'après je me suis assis à côté. Et là, je vois Axel, qui avait 13 ans, en train de lui faire une fellation. Et fellation, j'avais jamais vu ça. Enfin, j'en avais aucune idée à 10 ans, ce qu'était une fellation, en fait. Et là, il me demande de m'asseoir à côté de lui. Et il demande à Axel de faire la même chose sur moi. Et je me rappelle que je me sens très gêné, quoi, en fait. Que ce que je ressens, c'est pas agréable, quoi. Je me sens très gêné, là, de cet enfant qui est d'ailleurs plus grand que moi et qui est en train de me faire une fellation à un âge où je suis encore totalement prépubère, en fait. Des récits de relations entre adultes et enfants sans contrainte ni posture morale, les étagères de la bibliothèque du bateau en étaient remplies. En effet, Leonid Kamenev aime particulièrement raconter l'histoire de la Grèce antique, de ses mythes, ses mœurs et de sa philosophie. Une passion qui le pousse peut-être à faire de la Méditerranée l'un des terrains privilégiés de ses expéditions et de leurs dérives pédophiles. Entre 1969 et les années 2000, combien de ces enfants sans tablier ont en commun le souvenir d'une douche seule avec Léo, comme il l'appelait alors, à se faire frotter le dos puis à devoir supporter ses caresses? Combien ont-ils en souvenir ces moments dans sa chambre, le verrou fermé, avec un linge placé sur la poignée de porte pour éviter qu'on les espionne par le trou de la serrure? Parmi ces victimes, il y a Benoît Kahn. Il a 9 ans quand il quitte ses parents. Dans un livre intitulé « Les perles de lumière », il raconte les à-côtés des photos de magazine, ces nuits où Léo l'invitait dans son lit. Les deux corps étaient nus. Les haleines, l'une forte, l'autre imperceptible, se confondaient. Il faisait chaud sous la couverture. La main, de retour dans son repère, continua d'explorer le corps qu'elle venait de ramener. L'intérieur des cuisses, l'aine, les tétons, elle allait habilement, éveillant partout sur son passage des sensations inconnues. La tête du capitaine disparut sous le couchage. Ils avaient 9, 11, 13, 16 ans. Ils s'appelaient Benoît, Laurent, Marie, Jean-Baptiste, Loïc, Ludovic. La sexualité était pour eux un territoire inconnu, un mot dont ils ne connaissaient ni la définition, ni les règles, ni les pratiques. Comment imaginer l'interdit d'une chose qu'on ignore? Comment alerter quand on ne sait pas ce qui est mal? Alors, quand on ne sait pas, on se tait. Cette découverte, celle des corps et des sens, celle que chacun apprivoise peu à peu, on leur a volée. À bord, ces enfants sont projetés dans la violence du corps social et du corps tout court, du travail, du groupe, ce qui n'est pas de leur âge. Autour de la table, sur le bateau, placés l'un à côté de l'autre, sous le regard de Kamenev, les enfants parlent, jugent et dénoncent les autres camarades. Dans ce petit jeu de massacre, le groupe adoube ou exclut. C'est dans ce contexte de violence psychologique destructrice que les enfants évoluent durant de longs mois, des années pour certains. Pour la plupart, le plus dur a sans doute été de revenir dans le monde des parents et de l'école, source de toutes les critiques à bord, comme un lavage de cerveau. Dans le documentaire « L'enfance abordée », Ludovic se souvient, justement, d'un retour chez lui. Je suis dans la cuisine, et ma mère était dans le jardin, c'était tombé du jour, ou alors ils avaient préparé un barbecue, je sais pas. Et je l'entends qui arrive, j'entends ma mère qui arrive un peu comme une mère poule. « Ah, Ludovic, il est revenu, mais il est où? Mais il est où? Mais vous m'avez rien dit, parce que j'étais dans la maison depuis 5 minutes. » Enfin bref, et elle arrive, je l'entends arriver. Un truc réflexe, je prends la porte de la cuisine, je me cache derrière. Caché, invisible. Ma mère est passée, elle est repassée, elle est repassée. Je pouvais même pas sortir. J'étais derrière la porte. Point barre, ça c'est l'image. Un enfant derrière une porte, il peut même plus parler à ses parents. Voilà. Un truc symbolique. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Ben on repart. Qu'est-ce qu'on veut faire? On n'a plus de famille, on ne peut plus leur causer. Donc on repart avec notre nouvelle famille et les gens chez qui on a fait un transfert affectif. Parce qu'il est là aussi l'abus de pouvoir. On a vécu des choses qu'on croit fortes, qui ont été fondatrices, qui ont été en tout cas complètement remuantes pour nous, qui ont modifié notre monde, quoi. Et les seuls témoins de ça, les seuls propriétaires de ça, c'est les gens qui nous ont fait subir ça. Donc on est obligé de retourner avec eux pour avoir un regard. C'est les seules personnes qui savent ce qu'on a vécu réellement. Et ils le gardent pour eux, point barre. Ils ne peuvent pas le partager, ils ne le partageront jamais. Et donc on est prisonniers avec ce qu'on a vécu. Tous ont dû attendre de devenir adultes, d'avoir les épaules assez larges pour porter ses fissures et ses blessures, pour accepter de se souvenir de ses années et de ses nuits. Et en 1994, c'est une ancienne élève qui brise le silence. Elle porte plainte pour viol. Alors d'autres suivent. 19 procédures sont ainsi engagées pour qu'enfin Léonide, Léo, Bernard, Jean-François, Gilles et les écoliers sans tablier se retrouvent pour écrire la véritable histoire de l'école en bateau. Sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. Sky, I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark? 5 mars 2013, cour d'assises des mineurs. Dans la salle des pas perdus, Leonid Kamenev évite les caméras et les micros. Fondateur de l'association, l'homme âgé de 76 ans n'a plus l'enthousiasme d'antan. Pendant les années 80 et 90, le petit écran et la presse se sont fait l'écho de cette expérience éducative de groupes d'enfants qui partent un an ou plus sur un bateau pour explorer les mers et les terres de pays lointains. Mais en 1994, la belle histoire change de registre. En itinérance en Martinique, Leonid Kamenev est placé 4 mois en détention provisoire à la suite d'une première plainte pour des faits de pédophilie. Une erreur de procédure le sauve, lui et son association. L'année suivante, le bateau repart avec de nouveaux enfants. Pour les victimes, la suite est une longue traversée sans escale dans les courants de la justice française. En 1999, à Bordeaux, l'enquête refait surface, mais le dossier s'opère entre Lille et Fort-de-France. Il faut attendre l'année 2006 et le dépôt d'une requête en suspicion par l'avocat Éric Morin pour que le dossier soit transmis à un juge d'instruction et qu'on écoute les paroles des victimes. Après plus de 130 auditions et le dépôt d'une trentaine de plaintes pour abus sexuels, Leonid Kamenev est arrêté en janvier 2008 au Venezuela. Au bout de 8 mois de détention, il est remis en liberté. C'est donc libre qu'il apprend en mai 2011 qu'avec 3 autres personnes, il est renvoyé devant la cour d'assises des mineurs pour viol et agression sexuelle sur enfant de moins de 15 ans par personne ayant autorité. 19 ans après la première plainte, après les errements de la justice, après la condamnation de l'État pour déni de justice, le procès de l'école en bateau s'ouvre. Dans la salle d'audience, 4 adultes, référents de l'association, doivent faire face à des anciens enfants devenus enseignants, journalistes, magistrats, ingénieurs, dont 14 ont pu se constituer partie civile. Parmi ces victimes, il y a Marie, partie 3 ans sur le bateau. C'est elle qui brise le merta en 1994 et qui attend désormais réparation, comme elle l'indique en ce premier jour de procès au micro de France Inter. J'attends que soit clairement posé que nous sommes victimes de pédophiles, que la loi statue clairement à ce niveau-là. L'idéal, mais c'est déjà un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait ne convient pas, n'avait pas lieu d'être, que ça nous a blessés profondément, que ça nous a aussi handicapés dans nos vies. C'est pas rien de vivre ça et ça nous affecte. Le temps d'un procès, victimes et accusés acceptent de repartir sur les lieux des drames. Parmi les accusés, c'est l'aide de camp de Leonid Kamenev, un certain Bernard, qui est le premier confirme à la barre les accusations des plaignants. Désormais âgé de 60 ans, père de 3 enfants, il a déjà reconnu pendant l'instruction avoir commis un certain nombre d'abus sexuels. En était-il conscient? Avant son arrestation, il n'avait pas de difficulté à repenser à l'école en bateau, à cette expérience. Non, c'est après qu'il s'est interrogé et qu'il a reconnu avoir fait des erreurs. Pour lui, Léonide était un père spirituel, l'homme qui lui a tout apporté, la reconnaissance, l'éducation, l'histoire, la nature alors. Sur le bateau, Bernard était l'ombre de Kamenev, le second référent pour les enfants. Instituteur de formation, il est surtout un ancien élève de l'école en bateau. Au procès, le président l'interroge sur ses relations avec Leonid Kamenev. Avez-vous eu des relations sexuelles avec lui? Oui, on va pas tourner autour du pot, répond-il. Victime, il est devenu bourreau. Kamenev, lui, ne dit rien, il écoute, tempère, nie, répète les préceptes de son expérience éducative. Face à lui, ses anciens élèves retrouvent l'homme qu'ils ont quitté 20 ou 30 ans plus tôt. Je retrouve exactement la même personne que j'ai connue, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui manie le déni, la douceur, l'évitement, la demi-vérité. Je pense que maintenant, c'est quelqu'un qui a un discours qui ne passe plus, c'est quelqu'un qui cherche la pitié. Et ça, je trouve ça insupportable parce que c'est pas eux les victimes. Bon an, mal an, dans l'enceinte de cette cour de justice, la vérité trouve sa place, peu à peu. On écoute les accusés, bien sûr, les victimes évidemment, mais aussi les parents des victimes. Parmi eux, Gilbert, enseignant à la retraite, père de 3 fils pensionnaires de l'école en bateau de 1986 à 1991. Il a découvert ce projet en lisant un article de la revue Autrement qui avait réalisé un dossier sur les écoles alternatives. Son cadet a postulé, il a suivi le stage, il a été reçu. Ne pouvant refuser ce qu'il avait accepté à l'un de ses enfants, eh bien les autres ont suivi. En 4 ans, l'aîné est rentré 1 fois à la maison, le cadet 3. C'était ainsi, selon lui, les règles. Ses enfants lui manquaient, mais il les pensait heureux à bord de ce bateau, libre de mener cette vie qui paraissait si enrichissante. Il avait confiance, comme il le répète à plusieurs reprises, oui, confiance envers l'équipe, Léo, et les articles qui relataient, vantaient cette expérience. Avait-il lu l'ouvrage manifeste de Léonide Kamenev, Écolier sans tablier, paru en 79? En tout cas, à de nombreuses reprises, ce livre est cité devant le tribunal. Comme nous l'avons entendu en première partie, lors d'un entretien qu'il accorde à France Inter pour la sortie du bouquin, Léonide Kamenev y parle de la sexualité, celle des enfants, mais aussi d'une sexualité entre adultes et enfants. Dans ce livre, il dit notamment « Je ne vois aucune raison objective à l'interdiction des rapports sexuels aux enfants, violente pas mal au nom de l'éducation. Le sexe, ce serait quand même plus caressant. Comment les parents n'ont-ils pas pu lire entre les lignes ?» À la barre, Gilbert dit n'avoir rien vu, rien ressenti des blessures de ses enfants à leur retour. Après l'école en bateau, ils ont repris une vie normale, ont réussi brillamment leurs études d'ailleurs. C'est 10 ans après leur retour que la parole se libère. En 2001, l'un de ses enfants lui demande de le voir parce qu'il a quelque chose à lui dire. C'est à ce moment-là que Gilbert apprend les agressions sexuelles et le climat de violence psychologique absolue. Alors, à la barre, il raconte le choc d'un parent qui apprend les blessures d'un fils, mais aussi ses remords de ne pas avoir été là, de ne pas avoir compris, comme lorsqu'il décide de lire une lettre de son fils qui dit « Parents, où étiez-vous ? Quelle folie vous a poussé à abandonner vos enfants à n'importe qui ? Sur ce bateau où vous nous avez envoyés, mes frères et moi, sans le moindre garde-fou, sans contrôle ? Ce n'est pas l'inconscience, c'est de l'irresponsabilité. » Après avoir lu ce passage, Gilbert se retourne en direction de ses fils, il leur dit simplement « J'ai mis longtemps à comprendre. Je sais que le pardon ne se décrète pas. Mon vœu le plus cher est que vous soyez heureux. » À de nombreuses reprises, la Défense tente de trouver des réponses à ces crimes dans le contexte du lancement de l'association, celui des Utopies, dans le sillage des événements de mai 68 au sujet de l'école, de la famille, des corps. Léonide Kamenev ne serait que le mauvais génie d'une époque. Un homme, médecin, pédopsychiatre, directeur d'un hôpital public pour enfants dans le sud de la France, victime lui aussi de Kamenev, brise cette idée. À l'époque des faits, en 1965, il avait 9 ans. À la barre, il raconte les séances de relaxation, les volets fermés. Il était nu sur le divan, Léonide Kamenev était lui aussi dévêtu. Un jour, après l'avoir masturbé, Léonide Kamenev lui demande de lui faire la même chose. Et il obéit, oui, il obéit car les enfants ont l'habitude d'obéir, dit-il. Devant le témoignage de cet homme, l'accusé se borne à répondre « Je ne me souviens pas de lui ». Il faut attendre la dernière déposition pour que Léonide Kamenev reconnaisse enfin, et pour la première fois, certains des faits qui lui sont reprochés. C'est la dernière déposition, le dernier plaignant à s'exprimer. Fabien raconte pendant 2 heures ses joies d'être parti à 12 ans à l'école en bateau, puis ses moments de cauchemar quand Léonide Kamenev le choisit et passe à l'acte. Acte sexuel, acte de viol. Alors quand l'accusé est interrogé, personne n'imagine un seul instant que l'ancien psychologue va fendre l'armure. Recroquevillé, bras croisés, Léonide Kamenev a baissé la tête. « Je reconnais tout ce qu'a dit Fabien, dit-il. Une brèche dans sa défense. » Son avocat Yann Chouk se dit au contraire soulagé. Je pouvais l'espérer. Il y a, si vous voulez, dans cette confrontation judiciaire, des moments comme ça, où, pour une raison qu'on ne peut pas planifier, qu'on ne peut pas prévoir, où il y a un besoin de libérer tout le monde, si vous voulez. Et vous avez vu que la parole de Kamenev dans cette reconnaissance a été une parole libératrice. Léonide Kamenev est en tout cas décidé à se livrer un peu plus. Il a également reconnu des abus sur 2 autres anciens élèves, des faits qu'il avait niés jusqu'à présent. Le 22 mars 2013, Léonide Kamenev est reconnu coupable de viol, tentative de viol et agression sexuelle sur 5 enfants dans les années 80 et 90. Il est condamné à 12 ans de prison. 2 co-accusés sont condamnés à 6 ans ferme et 5 avec sursis. Le 4e, encore mineur pendant les faits, est acquitté. Ce jour-là, l'histoire de l'école en bateau a pris fin. L'ancien monde a repris sa place, celui du huis clos sur le bateau étant à jamais détruit. Il n'y aura plus d'enfance en tablier, plus d'enfance volée, ici en tout cas. Justice étant rendue, les victimes ont pu mener leur reconstruction jusqu'au bout et ils peuvent désormais reprendre la mer sans crainte. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire de l'école en bateau avec nos deux invités, Laurent Esnault et maître Éric Morin. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je le rappelle aux auditeurs, Laurent Esnault, vous êtes journaliste et vous avez été l'une des victimes de Léonid Kamenev. En 2014, vous avez réalisé un film avec Réjeanne Varro intitulé « L'école en bateau, l'enfance sabordée ». Bah oui, c'est exactement ça. Où vous revenez avec d'autres victimes sur cette histoire de l'école en bateau avec beaucoup de témoignages et des paroles libérées et libératrices. Et puis vous, Éric Morin, avocat, vous étiez l'avocat des parties civiles lors de ce procès. Je vais commencer avec vous, Laurent Esnault. Vous venez d'entendre un récit, je ne sais pas quelle est la part de distance, ou non, qu'on peut ou ne pas avoir quand on écoute un récit comme celui-là, qui est aussi le récit d'une partie de votre vie. Oui, je voulais vous dire bravo pour ce récit qui est vraiment très juste. Et je voulais vous dire à quel point c'est dur et émouvant pour moi de me replonger à chaque fois dans cette histoire. Encore aujourd'hui, de réentendre tous les témoignages qu'on a eus pour le film, et puis de réentendre aussi Kamenev exposer sa philosophie, qu'on voit d'une toute autre façon aujourd'hui. C'est très troublant, c'est très dur, mais voilà, je suis content d'être là encore aujourd'hui au nom de toutes les victimes pour pouvoir porter les messages qu'on a envie de porter par rapport à ce genre d'affaires en tant que victime, disons. Bien sûr. Dernière question toute personnelle, même si certaines le seront aussi de facto. Comment votre reconstruction s'est-elle menée? Il y a eu une reconstruction. Comment ça s'est passé pour vous? Et le film, j'imagine, est aussi un élément de cela? Oui, tout à fait. La reconstruction s'est faite en deux temps, je dirais, avec le procès et le film. Mmh. Et les deux choses sont liées, justement. Parce que pour ce qui est du procès, je ne cesserai de le dire, pour une victime, un procès, c'est essentiel. Et le film est là justement pour rendre hommage au travail de la justice. Parce que quand on est une victime, le fait qu'on dise officiellement qu'on est une victime, que ce soit clair et net, que ce soit établi comme ça, c'est un soulagement énorme. Reconnu, surtout. Le fait d'être reconnu comme une victime, c'est un soulagement énorme. Et ça permet de se reconstruire. Et ce film, je ne m'en cache pas, ça a été un peu ma psychanalyse pour moi aussi. Hein. Mmh. Ça m'a aidé aussi à me reconstruire. Et en faisant les entretiens avec toutes les victimes, avec Réjeanne Varro, hein, ma co-réalisatrice bien sûr, quand on a fait tous les entretiens, j'ai appris énormément de choses moi-même sur ce que j'avais vécu. Parce que on a tous des points de vue qui se rejoignent, mais qui sont aussi différents sur ce qu'on a vécu. Et le fait de rassembler tout ça et de s'écouter les uns les autres pendant les entretiens, Ça m'a énormément apporté, ça m'a aidé à progresser moi aussi en fait. Et entre-temps, entre la fin de l'expérience et la parole qui se libère, le procès, comment vous avez vécu avec cette douleur-là enfouie, comment ça s'est passé? Ben, c'est toujours là, quelque part. Hein. Oui, j'imagine. Mais... Elle a été soulagée quand même, voilà. C'est vrai, mais oui. Avant. Oui. Non. Ça nous a fait énormément de bien, à la fois le procès et le film. Pour toutes les personnes, toutes les victimes qui ont témoigné dans ce film, même si certains n'étaient pas du tout chauds pour y participer au début, même si certains avaient peur, après la réalisation du film, les victimes nous ont remercié de l'avoir fait parce que ça les a aidés aussi à progresser justement et à comprendre mieux ce qu'elles avaient vécu. Et donc, en fait, on a tous avancé en même temps. Après, c'est vrai, je le dis dans le film, hein, d'ailleurs, quelque part, on est tous un peu encore sur le bateau. C'est assez terrible, mais on a toujours ça un petit peu dans le coin de notre tête. Et donc, ça, on le vit au quotidien, hein, mais ça, toutes les victimes de pervers sexuels vivent la même chose. C'est pour ça qu'on veut que ce film soit universel, en fait, hein, entre guillemets. Hein, c'est un mot un peu pompeux, mais il y a de ça quand même, c'est vrai. Beaucoup de victimes nous l'ont dit d'ailleurs, hein, pas forcément des victimes de l'école en bateau, mais des victimes de pervers sexuels nous ont dit qu'elles s'étaient reconnues dans les témoignages des victimes de ce film. Et c'est vrai qu'on vit à peu près tous la même chose et on a à peu près tous les mêmes séquelles on se retrouve avec les mêmes séquelles. Et vous voyez de temps en temps, peut-être pas tous, mais vous êtes resté vraiment ou amis ou proches. On essaye justement, on essaye de se revoir, mais on est tous dispersés aux quatre coins de la France et même à l'étranger, donc c'est un peu compliqué matériellement, mais aussi parce que c'est vrai que ça nous fait énormément plaisir quand on se revoit, mais en même temps c'est toujours un peu bizarre parce que il y a toujours l'école en bateau en fond, en fait, hein, en fond de notre histoire. Donc, même si on est devenus vraiment amis, si on a des liens très forts, on continue à discuter ensemble par Internet, surtout, en fait, ou par téléphone. Mais même quand on discute ensemble sur la toile ou qu'on se voit, hein, vraiment, il y a toujours en arrière-fond l'école en bateau quelque part. Et c'est vrai que du coup, on a du mal. Parce qu'on s'était dit, on va faire des sortes de réunions, entre guillemets, toujours d'anciens de l'école en bateau pour se soutenir, pour voir où on en est les uns les autres. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à le mettre en place. Parce que je pense qu'il y a ça quelque part qui nous retient. Mais j'espère bien qu'on arrivera à le faire quand même. Éric Morin, qu'est-ce qui vous a motivé, vous? C'était quoi? Qu'est-ce qui vous a touché personnellement pour être l'avocat des parties civiles et défendre ces victimes? Au départ, je ne me rends absolument pas compte de l'ampleur de cette affaire. Je reçois une victime qui me raconte qu'elle a déposé plainte il y a plusieurs années, qu'il y a peut-être un dossier à Fort-de-France, qu'il y a un avocat là-bas, mais dont il n'a pas de nouvelles. Et progressivement, à force de creuser, à force d'entendre aussi d'autres victimes qui viennent me voir appelées par cette première victime, je tire le fil, le dossier est bloqué, il va peut-être même s'embourber dans une prescription parce que le temps passe. Je fais revenir avec une décision rarissime de la Cour de cassation sur suspicion légitime du juge d'instruction, je fais rapatrier ce dossier à Paris et à partir de ce moment-là, le dossier prend une toute autre ampleur. Avec la médiatisation, d'autres victimes se manifestent et puis on a tiré le fil jusqu'à faire venir ce qui était peut-être impensable au départ, Léonide Kamenev devant une cour d'assises à Paris. Mais avant que le processus judiciaire s'enclenche et qu'il soit une première fois arrêté, donc avant 94, il avait été inquiété ou pas du tout? Pas du tout. On n'en sait rien parce qu'il y a même des dossiers qui ont disparu. On sait qu'il y a des plaintes qui ont été déposées par certains de mes clients. Et lorsque l'on a fait des recherches, lorsque la justice a cherché à retrouver la trace dans les archives, eh bien ces dossiers se sont évaporés, ont disparu. Il y a eu une série assez incroyable de dysfonctionnements. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'État a été condamné pour déni de justice. C'est rare. Hein. Oui, c'est rare. Et puis on a fait effectivement, on a pu obtenir pour chacune des victimes des sommes qui sont assez importantes pour ce genre de condamnation. C'était aussi une satisfaction, c'était aussi une manière d'attendre le procès, parce que tout ça a duré, vous l'avez rappelé, 19 ans. Et surtout, pendant 19 ans, les parties civiles étaient des menteuses. Mmh. Puisqu'il y avait une dénégation systématique et régulière de Léonide Kamenev qui disait « c'est faux », elles sont arrivées devant la cour d'assises de Paris, en étant obligé de dire on va se battre pour dire que on ne ment pas. Et l'événement incroyable de l'aveu de Léonide Kamenev après 130 heures d'audition devant le juge d'instruction et de confrontation où à chaque fois, pour chaque victime, et Laurent Esnault s'en souvient, il trouvait une excuse, une explication en disant mais non tu mens parce que tu sais tes parents étaient en train de se séparer, tu étais mal en point, tu es en train de raconter des histoires. Ça n'était plus la parole d'un enfant qu'il avait en face de lui, c'était la parole d'un adulte. Et là, il avoue. Elle ne mentait donc pas. Et pour elle, ça a été une libération incroyable. J'imagine. 14 parties civiles, mais il y a eu plus de victimes. Il y a eu plus de victimes. Il y en a des parties civiles qui sont restées sur le bord du chemin à cause de l'instruction, pour au final en retenir que 11. Mais on a eu connaissance d'une quarantaine, ouais. Sachant qu'il y en a aussi un certain nombre qui ont été retrouvés par les enquêteurs, qui n'ont absolument pas voulu parler, et elles, on ne sait pas si elles ne voulaient pas parler parce qu'elles étaient victimes et qu'elles avaient fermé la porte, ou parce qu'elles n'étaient effectivement pas victimes, sachant, et j'en terminerai, que Léonide Kamenev choisissait ses victimes. Tous n'étaient pas victimes sur le bateau. Léonide Kamenev avait d'abord fait ce tri dans ce camp avant le départ sur le bateau, et sur le bateau, eh bien, il choisissait en fonction de physique, en fonction d'une psychologie de l'enfant, en fonction de l'emprise qu'il pouvait avoir sur ses jeunes enfants. Le plus jeune avait 9 ans. Laurence Snow, on parle de l'emprise psychologique. Alors là je parle pas d'effet de pédophilie. Ne serait-ce que l'emprise psychologique de l'adulte référent? Quel genre de référent adulte était-il? En fait, c'était notre gourou. Hein. On le dit souvent, c'était comme une secte, ce bateau qui était loin au large, loin des parents, loin des amis. Tout à fait sectaire. C'était exactement le fonctionnement d'une secte. Et pour nous, c'était un peu notre père. Enfin, une substitution de père, puisque nous n'avions pas notre papa et notre maman. Lui, il jouait le rôle du père. Et tout ce qu'il disait avait valeur d'évangile, si je peux dire. Enfin, du coup, on lui obéissait comme si c'était notre propre père, on croyait à tout ce qu'il disait, on était vraiment sous son emprise. C'était quelque chose de sectaire, en fait, vraiment, vraiment. Ouais. Et en plus, sur des gosses, c'est encore plus facile, forcément. Oui, il pouvait nous faire croire ce qu'il voulait. Bah, évidemment. Alors, on va écouter Marie, parce que c'est, je le rappelle, la première personne qui a déposé plainte, donc c'est important. Et encore une fois, il s'agit d'un extrait de votre film, L'enfance sabordée, réalisé, je le rappelle, avec Réjeanne Varro. Moi, ce que j'ai vécu quand j'étais à l'école en bateau, c'est que le jour, fallait être clean, c'est-à-dire il n'était pas question du tout de montrer qu'il puisse y avoir ce genre de rapport entre nous, et ça s'agissait la nuit en fait, c'était agi, mais la nuit, et c'était jamais parlé. C'était tout le temps implicite. C'est là où ça nous perd complètement, parce qu'en fait on est maître de rien, on est juste vraiment victime de deux hommes là, en l'occurrence pour moi, qui faisaient la pluie et le beau temps. Et je suis persuadée que jamais ils n'en parlaient entre eux. C'était tabou. Vous le pensez aussi? Oui, tout à fait. C'est justement l'un des messages qu'on veut tous faire passer. C'est le message essentiel du film, c'est qu'il faut briser le silence. En fait, le principal problème des victimes d'agressions sexuelles, c'est qu'elles sont enfermées dans le silence. Et ce silence, c'est les prédateurs, les pédophiles eux-mêmes qui l'ont imposé, en fait, sur le bateau. Effectivement, on savait ce qui se passait, on le sentait, disons, on s'en doutait. Vous en parliez entre vous, entre nous? Non, c'est ça qui est terrible, rétrospectivement. Ouais. Hein, aujourd'hui, ça fait bizarre de se dire ça, mais sur le bateau, non, on n'en parlait pas. Mais on sentait, on savait bien qu'il se passait des choses. Et puis c'était dans tout un système, en fait, puisqu'il avait il faisait croire à chacun qu'on était le favori. Donc il nous disait même c'était pas dit aussi clairement, mais il sous-entendait surtout: tu en parles pas aux autres, tu es mon favori. Donc si tu veux rester mon favori, n'en parle pas aux autres, comme ça on est tous les deux ensemble comme ça. Et du coup on n'en parlait pas aux autres, et quelque part dans notre tête, je pense qu'on se disait bien: mais je dois pas être vraiment le seul favori, je pense que il couche aussi avec d'autres enfants. Mais il y avait une telle chape de plomb, une telle pression psychologique qu'on ne pouvait pas en parler, on n'arrivait pas à en parler. Et ça a duré après le bateau, et c'est pour ça qu'on a mis tant de temps tous à parler, parce qu'on est resté enfermé dans ce système. Et toutes les victimes de pédophiles vivent exactement la même chose. Et vraiment, je le martèlerai hein, toujours ça. Si j'ai vraiment un message à faire passer, c'est qu'il faut que les victimes de pédophiles parlent, quoi. Il faut qu'elles disent ce qu'elles ont vécu. Parce que si on reste avec ça sur soi, un jour, tôt ou tard, un jour ou l'autre, ça va exploser, ça va éclater. C'est comme une cocotte minute, c'est une bombe à retardement. Il faut en parler, il faut le dire, il faut dire ce qu'on a vécu, et le plus tôt possible. Parce que moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait le film. Hein. Je n'ai parlé que quand j'ai porté plainte en 2006. Je n'ai dit à ma maman, à ma mère, que en 2006, ce qui s'était réellement passé sur le bateau. Donc vous avez porté le fardeau tout seul. Oui, j'étais sur le bateau en 1983, donc plus de 20 ans. 23 ans. Vous imaginez, si j'avais parlé en 1983, ça veut dire que tous les enfants qui ont été violés de 1983 jusqu'à la fermeture des écoles en 2001 n'auraient pas été violés. Vous imaginez la culpabilité que ça fait porter. Et on est tous à peu près dans cet état d'esprit. Alors, on va parler des parents, justement, et là je me tournerai vers vous, Éric Morin, parce qu'on va écouter d'abord une archive. Un autre sujet était au cœur du procès, le livre de Léonid Kamenev, Écolier sans tablier. On va écouter le témoignage de la mère de Marie et Jean-Baptiste, qui arrive aussi Jean-Baptiste, qui revient sur la lecture de ce livre, et il s'agit une nouvelle fois, Laurence Snow, d'un extrait de votre documentaire. Quand Marie m'a parlé du procès, j'ai aussitôt racheté Écolier sans tablier et je l'ai relu. Et j'étais stupéfaite de voir justement le chapitre sur le sexe, sur la sexualité, et qu'il va jusqu'à dire effectivement que, par exemple, les relations sexuelles entre adultes et enfants, ça pourrait peut-être se faire. Eh bien, quand je l'ai vu, je ne m'en suis pas rendu compte, quoi. Lui, Léo, il se présentait comme un éducateur, psychologue et tout, entraînant les enfants vers quelque chose de plus libre, quelque chose qui semblait bien, comment je pourrais dire, et, avec un aspect de liberté qui m'enchantait, hein, franchement, je dois le dire. Hein. C'était après 68 qui avait apporté, il y avait les écrits de Reich, avec cette espèce de bombe, c'était la libération sexuelle, la liberté, et moi j'étais très sensible à ça. Éric Morin, on a du mal à comprendre, malgré tout, comment des parents n'ont pas lu entre les lignes des propos de Kamenev, de sa plaquette. Enfin, il y a quelque chose. Hein, c'est entre les enfants, les adultes, et puis la sexualité, et puis la découverte du corps. Enfin, si on lit entre les lignes, on comprend. Moi, je jette la lire à personne, hein, mais je m'étonne. Il suffisait même pas de lire entre les lignes, il suffisait de lire les lignes. Oui. Ça a été la grande interrogation du procès, le témoignage de Gilbert que vous avez rappelé, qui a lu la lettre de son fils Benoît. Mais on a diffusé tout à l'heure, pendant votre récit, un témoignage de Léonide Kamenev, ici à France Inter, que nous n'avions jamais entendu. En 1979. On ne savait pas qu'il existait. Et les auditeurs s'en souviennent de la question du journaliste qui ne se scandalise pas de parler de relations sexuelles entre enfants et adultes. Nous sommes en 1979. Quel était l'aveuglement de cette époque à ce moment-là où on mettait même les mots sur les choses et où on ne se scandalisait ni des mots ni des choses. Donc ça veut dire que c'est aussi le procès d'une époque. En tout cas, c'est clairement un procès qui s'est inscrit dans une époque. On peut pas faire abstraction de cette époque. Ouais. Mais le témoignage surprise du professeur du CHU de Marseille qui est venu raconter avant l'école en bateau, puisque 1965, lorsqu'il va chez Léonide Kamenev, psychologue en gros guillemets, l'école en bateau n'existe pas, montre que finalement, ça s'est passé avant l'école en bateau du côté de Léonide Kamenev et qu'il a monté finalement un système, un moyen d'assouvir un peu plus loin et au milieu de la mer et loin de tous, les pulsions qu'il avait avant. Procès d'une époque aussi pour vous, Laurent Snow ? Il y a de ça ? Ça a été tout le débat pendant le procès, justement. Hein, parce que moi, je pense qu'il a profité d'une époque, en fait. Il est vraiment fondamentalement pervers, Léonide Kamenev. Et il s'est trouvé qu'il était dans les années 70, au moment où il y avait la libération sexuelle. C'est ce dont parle la maman de Marie-Jean-Baptiste. Et donc, il a profité de ce contexte, disons, pour pouvoir lancer son école. Et là, effectivement, encore aujourd'hui, c'est vrai, quand on lit Les écoliers sans tablier, on se dit, mais comment les parents n'ont-ils pas vu? Moi, ma propre mère me dit qu'elle se souvient pas de l'avoir lu avant mon départ à l'école en bateau. Mais voilà, je sais pas ce qu'il en est encore vraiment aujourd'hui, mais je sais qu'il y a des parents qui l'ont lu, et rétrospectivement, quand on lit aujourd'hui, on se dit, mais c'est incroyable quand même, ils avaient ça sous les yeux. Et donc, je pense que ça peut s'expliquer d'une part par le contexte, par l'époque. Effectivement, on était dans cette libération sexuelle des années 70. Ça explique pas tout parce que l'école en bateau a duré jusqu'en 2001 quand même. Donc là, on n'était plus dans les années 70. Mmh. Et puis, je pense que les parents avaient tellement envie que ce soit une belle aventure pour nous. Ils voulaient tellement que ce soit bien qu'ils pouvaient pas le voir. Ça doit être psychanalytique, j'imagine, hein, mais il ne pouvait pas voir vraiment ce qui se passait sur le bateau. Parce que sinon, c'était tel constat d'échec que ça aurait été terrible. Et d'ailleurs, on comprend la douleur évoquée dans ce récit d'un père qui dit, bah oui, je me suis trompé. Enfin, c'est aussi une douleur pour les parents, non ? Le témoignage du père de Benoît, et qui est le père de deux autres frères, très fort. C'était trois, a été un moment bouleversant. Il porte ça. Et pour rebondir sur ce que disait Laurent Esnault, non seulement les parents voulaient que ça soit beau, mais les enfants voulaient que ça soit beau aussi, parce que ils s'étaient battus. C'était pas rien de laisser l'école traditionnelle. Donc, ils avaient poussé leurs parents en disant, je veux y aller, je veux y aller. Alors maintenant que j'y suis, il faudrait que je rentre à 11 ans ou à 12 ans en disant, maman, c'était pas bien. Non, non, c'est pas possible. Dans la structure psychologique d'un enfant, à 11 ans, ça n'est pas possible. Et le piège se refermait, hein, sur tout le monde. Merci en tout cas infiniment, Éric Morin, pour vos éclairages. Et merci, bien sûr, Laurent Snow, pour votre témoignage. Merci, messieurs. Au revoir.